On pourrait en manger toute la sainte journée, sauce blanche ou andalouse, ou au pied au lalé, le kebab, le kebab. Moi je l'aime bien sans légumes, car je suis pas un PD. Enfin je vois pas le rapport, mais je l'aime bien sans légumes, le kebab, le kebab. Une fois j'y avais été, et il m'en a offert un, alors j'étais content. Le kebab, le kebab.